La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous invite dans la discothèque du compositeur Marc Monet. C'est simple, j'avais une multitude de chemins possibles. J'ai pris le plus simple, je suis allé dans ma discothèque et j'ai regardé. Je sais aussi, bien entendu, il y a un a priori, c'est que je sais certaines œuvres que je cherche, ça c'est clair. Et je sais que un certain nombre de compositeurs sont pour moi très importants. Mais c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est un choix très arbitraire, je l'assume comme tel, mais avec sa diversité qui est propre à un peu à mon cheminement, quoi. Voilà. Et donc, si on commence par le Tibet ? Le Tibet, ça fait partie de ces musiques extra-européennes que j'ai écoutées beaucoup à une certaine époque. Moi, maintenant, parce que j'écoute d'autres choses, tout simplement. La vie est tellement riche qu'on peut avoir une diversité monumentale. On a 10 siècles de musique derrière nous, quand même. Plus ces musiques extra-européennes. Et ces musiques extra-européennes, je crois, donne une autre idée du temps et aussi de... Oh, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'aujourd'hui ça veut dire d'autres choses, mais il y a une efficacité dans l'utilisation de ces musiques. Elles sont fonctionnelles et en même temps très libres, je trouve. Donc, comme chez nous, il n'y a pas de gamme très précise, il n'y a pas... je parle plus sur le Tibet, il n'y a pas une moralité de l'évolution. C'est vrai que ce sont des musiques qui évoluent peu, ça vaut bien sûr. Mais elles ont une scansion, elles ont quelque chose qui est de l'ordre du spirituel et sont des musiques fonctionnelles. On a eu, nous, dans notre... pratique musicale, beaucoup de musique fonctionnelle, les musiques d'église, les messes, on a eu des formes de rituels comme ça aussi, on l'a certainement un peu perdu. Aujourd'hui, la musique dite classique, c'est un mot tout à fait impropre toujours, je ne sais jamais quoi dire avec ce mot, parce que ce mot est tellement mal choisi, puisque quand je parle de musique classique, je parle de musique contemporaine, je parle de musique du Moyen-Âge, etc. Donc c'est un peu stupide. Mais c'est pratique pour au moins savoir qu'on parle de ça. Hein. Donc dans ces musiques classiques, c'est vrai qu'on a perdu aujourd'hui un rituel. Le rituel, il est plus aujourd'hui enfermé dans une sorte de sociologie un peu stérile. Je suis dur, mais c'est vrai. Non, mais c'est tout le problème aussi de l'écrit. C'est-à-dire que l'écrit, et même dans les musiques classiques, j'ai assisté à des concerts de Quatuor, par exemple, qui jouait par cœur les œuvres. Il y en a très peu. Mais Zettmeyer, par exemple, qui est venu au festival, qui a fait 2 concerts, joue entièrement par cœur les œuvres. Eh bien, j'étais très surpris parce que il y avait une liberté de ton qu'on n'a pas en lisant la musique. La lecture est en même temps un frein. Même si je suis pour l'écriture, tout ça est plein de contradictions. Mais il faut comprendre que l'écrit a tout changé chez nous. A tout changé. C'est la mémoire. Et donc, à partir du moment où on a la mémoire, on va la transformer. C'est pour ça que les musiques orales évoluent peu. Parce qu'elles sont basées sur la répétition, sur une sorte de convention improvisée, qui ne permet pas ce changement. Et souvent, j'ai été mal vu parce que j'ai dit que l'improvisation, c'était la musique du pauvre. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on dit, des musiciens disent, moi, je vais interpréter, je vais improviser, etc. Qu'est-ce qui se passe dans l'improvisation ? Il se passe une chose très simple. Le cerveau est dans l'incapacité de pouvoir générer une analyse et de la modifier en temps réel. Ça peut se faire que par l'écrit. C'est que quand on écrit, on arrête le temps. Et là, à partir de là, on peut transformer le temps en l'écrivant autrement après. L'improvisation, non. Et donc, l'improvisation fonctionne sur des stéréotypes inconscients qui parfois peuvent donner des choses très intéressantes, bien entendu, sur un moment donné, mais dans la durée, pour moi, sont toujours un peu caduques. Thank you. Et je pense que c'est un lien assez intéressant avec la musique du Tibet. C'est-à-dire que on peut comprendre mieux quand on enchaîne entre le Tibet et Stockhausen que quand on enchaîne entre Beethoven et Stockhausen. Le fait de perdre le sens de la tonalité, c'est-à-dire d'une organisation relativement fixe, fait que on se laisse beaucoup mieux porter si on a écouté par exemple les Tibétains avant ou d'autres musiques extra-européennes qui n'ont pas la même échelle de son, la même organisation du son. Et dans cette pièce de Stockhausen que je trouve vraiment intéressante, il y a vraiment ce travail sur la sonorité, sur les tam-tams, sur aussi l'électronique, mais qui est très légère, qui est très intégrée, qui n'est pas du tout en dehors. Il traite l'électronique, en plus c'était une électronique qu'on appelait analogique, donc c'est une électronique assez pure comme ça, et qui se mariait très bien avec le piano, avec les tam-tams, etc. J'ai pas une relation très particulière, d'autant que moi j'ai travaillé avec Kagel à Cologne, et que Kagel et Stockhausen, c'était deux ennemis énormes. Je ne sais pas quelle est l'origine de cette détestation, mais en tous les cas, elle était réelle. Je pense que Stockhausen, qui est pour moi un très grand compositeur, n'est pas un compositeur de scène. Alors que Kagel, c'est exactement le contraire, c'est un compositeur de scène. Et j'ai vu plusieurs œuvres de Stockhausen que je trouvais extrêmement médiocres sur scène. J'ai un souvenir comme ça, par exemple, d'une pièce qui s'appelait Herbstmusik. Et cette musique d'automne est sur scène où Stockhausen construit une sorte de maison. Il est sur un toit, il cloue, il y a des feuilles mortes. Et cette pièce est franchement proche du ridicule. Et c'est très difficile d'imaginer que c'est l'auteur de Procession, que c'est l'auteur de Momente, que c'est l'auteur de Samstag, etc., qui sont des grandes œuvres, très grandes œuvres. Mais dès qu'il touchait à la scène, je trouvais Stockhausen pas bon. Voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas fait pour la scène, quoi. Thank you. Thank you.

le compositeur Marc Monet présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Alors Bruckner, c'est un compositeur que j'ai découvert un peu plus tard. J'ai d'abord découvert Mahler, et après je suis venu à Bruckner. Et vous savez que c'est toujours quelque chose d'assez curieux qu'on oppose souvent Mahler-Bruckner. Mahler, que j'aime énormément, mais qui a un sens beaucoup plus dramatique. Peut-être sa modernité à Mahler, elle est dans une écriture extrêmement fouillée, dans quelque chose d'extrêmement intelligent, mais très très très travaillé. Bruckner, c'est quelqu'un qui travaille à l'opposé. C'est quelqu'un qui n'a pas le sens, que je dirais, d'opéra. C'est curieux d'ailleurs que Mahler n'ait pas écrit d'opéra, parce que c'est vraiment un homme d'opéra. Mais il en a dirigé beaucoup, ne l'oublions pas. Et dans Bruckner, on est dans une sorte de musique de l'obsession. C'est une musique de l'orgasme même. On a souvent chez lui, dans les symphonies, des choses qui montent comme ça. Et qui vont prendre... Et c'est vrai que c'est une musique primaire qui fonctionne, je trouve, admirablement. Et qui... vous savez très bien que Bruckner était très complexé parfois de ses propres musiques, à tel point qu'on a plusieurs versions de chaque symphonie. Parce que quand on lui disait ça, il faudrait peut-être il modifiait. C'est quelqu'un, et c'est pour ça que souvent les premières versions, premières façons de Bruckner sont plus intéressantes que les suivantes. Parce qu'elles sont plus brutes, elles sont beaucoup moins... Je veux dire, il a cherché le consensuel parfois, parce que c'est quelqu'un de très religieux, c'est quelqu'un qui était probablement d'une certaine culpabilité. Je suppose, je n'ai aucun indice pour le dire, mais je le sens comme ça. Et j'aime beaucoup ces musiques qui... Alors, c'est vrai que... On n'aime pas, les gens qui n'aiment pas Bruckner parce que c'est quelque chose d'assez massif, c'est un corps entier. Pour moi, c'est très corporel comme musique. Donc, ça ne donne pas dans le raffiné peut-être, mais pourtant c'est une musique très raffinée. Alors là, on est avec Schumann, on est dans un romantisme qui me séduit énormément. J'aime énormément Schumann. C'est quelqu'un qui est hors norme. Et moi, j'aime bien les gens qui sont hors norme. Et c'est une musique difficile qui a souvent été incomprise, particulièrement de son temps, vous le savez très bien. Heureusement qu'il a eu des très bons amis comme Mendelssohn. Ou même Liszt qui l'ont soutenu. Mais il n'était pas énormément joué. Il avait beaucoup de difficultés pour être joué parfois. Il y a plein d'œuvres de la fin de la vie qu'il n'a jamais entendues. Donc c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être dans la concession. C'est quelqu'un qui était là aussi, je dirais pas dans la névrose, mais en tous les cas, quelque chose qui était d'une psychologie qu'il ne contrôlait pas. Et vous savez très bien que dans les symphonies, par exemple, moi j'ai entendu ça au conservatoire, enfin c'était absurde. On me disait, mais il ne savait pas orchestrer. Je l'ai entendu dire. Alors que son orchestration, évidemment, n'a pas le lys d'un Mendelssohn, par exemple. Mais Mendelssohn n'a pas le génie d'un Schumann. Tout le problème est là. C'est-à-dire que l'originalité de Schumann, c'était aussi une forme d'orchestration différente. C'est comme si, enfin, on a souvent trop de moralité dans les choses. Or, les compositeurs qui sont porteurs de nouveautés sont souvent dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la morale, de la forme, de la morale, de l'orchestration, etc. C'est le cas de Wagner, c'est le cas de tous, de Berlioz, ne parlons pas de Berlioz, cette espèce de fou. Vous savez, cette gravure que j'ai trouvée tellement belle, qui est très très connue. On voit Berlioz, puisqu'à l'époque il n'y avait pas la photo, donc on faisait des gravures, on voit Berlioz dirigeant un orchestre de canons. Et les propos dans le journal étaient évidemment que c'était de la musique de bruit, hein, je veux dire. Mais on est capable d'entendre la même chose aujourd'hui. Exactement la même chose. On n'aura pas la caricature, etc., parce qu'on est plus lisse, on est plus poli aussi. Mais tous ces compositeurs, et Schumann, c'est un très très grand poète. C'est un produit typiquement allemand, de la littérature allemande, de la grande littérature, des écrivains, de tous ces gens qui, vous savez, qui marchaient énormément. C'était des marcheurs, les poètes allemands. Et la marche avait un rôle très important dans le romantisme. Et donc, il y a cette poésie surprenante. Donc, dans toutes ses œuvres, hein, pas toutes les citer, mais toutes les œuvres pour piano, il y a des choses Ecclésiana, enfin, c'est des choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, une œuvre que je trouve extrêmement importante, qui sont les Gesang der Fröhe, le +133, les Chants de l'Aube, qui sont des œuvres complètement suspendues. C'est d'une modernité, mais délirante pour l'époque. Alors, évidemment, la force et l'origine. L'originalité d'une œuvre fait toujours qu'il y a une sorte d'incompréhension. On n'est pas dans le consensuel. On n'est pas dans le consensuel chez Schumann. On est dans quelque chose qui surprend. Les musiciens aussi disent très souvent, j'en ai parlé souvent, quand on joue les quatuors, quand on joue les pièces de musique de chambre, etc., les musiciens trouvent cette musique toujours difficile, même s'ils l'aiment. Attention, c'est pas en forme de rejet, mais ils disent, c'est difficile, cette musique. C'est difficile. Parce que elle tombe pas sous les doigts, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle est, même techniquement, c'est pas simple. Et puis, les formes sont aussi surprenantes. Donc, j'aime beaucoup. Y a un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans qui est absolument remarquable. C'est l'édition du journal entre lui et sa femme. Vous savez, ils avaient décidé chaque jour d'écrire une page. Un jour c'était lui, un jour c'était elle. Et ce livre est une splendeur. Parce que d'un seul coup, elle dit, ça fait 8 jours qu'il est enfermé, quoi. Ce qu'il était en train d'écrire. Donc il disparaissait, quoi. Et je conseille vivement de lire ce livre. Alors, il a écrit énormément, d'ailleurs. Ça a été édité en allemand, malheureusement, ça n'a pas été édité en français. Il a écrit au moins 4 tomes de poèmes, d'écrits. Il faudrait les publier chez nous. Ça, vraiment, ça serait une chose extraordinaire. Mais c'est pas fait, malheureusement. Pas encore. Alors, Das Paradiso Peri, ça fait partie de ces 3-4 œuvres avec Genoveva, avec plusieurs de ces œuvres qui sont, Missa Sacra et tout, qui sont des œuvres chorales, solistes voix, dramatiques, qui sont des sortes d'opéras oratorios qu'on joue à peu près jamais, ou rarement, vraiment rarement, et qui sont des œuvres magistrales. Ce sont des œuvres où on ne peut pas rester insensible à cette musique. C'est le traitement de la voix, le traitement de l'orchestre, le traitement des poèmes, comme ça, c'est vraiment évidemment, c'est de la musique très romantique, mais c'est de la musique romantique noble, je dirais. Elle n'est pas pleurnicheuse, jamais. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, quoi, vraiment. Vous êtes dans la discothèque du compositeur Marc Monet sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Thank you. Kämpfen kann nichts nützen. Komm, dein Leben schenk ich. Du schlugst des Landes Berge. Du, meiner Brüder Berge, dir diesen letzten Fall. Les variations diabéliques de Beethoven, pour moi, représentent une œuvre majeure. Majeure pour moi, majeure pour l'histoire de la musique. Le côté anecdotique n'est pas inintéressant d'ailleurs. C'est-à-dire que ce diabélique était un compositeur pas terrible, on dirait aujourd'hui, et éditeur, qui était aussi un commerçant, a voulu se valoriser dans l'histoire de la musique, et il a réussi d'ailleurs, je crois. En donnant un thème et de demander à 53 compositeurs, je crois exactement, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça, d'écrire sur ce thème des variations. Donc on a aussi Schubert qui a joué le jeu, etc. C'est 52 variations de tous ces compositeurs, Czerny, Kulow, enfin, etc., sont vraiment pas bonnes. Le thème n'est pas terrible. Et je pense que tout le monde a joué le jeu pour être bien vu aussi par Diabelli, qui était aussi un éditeur. Ne l'oublions pas, on est aussi dans le social, dans la musique. Et puis Beethoven avait refusé. Il trouvait ça pas intéressant. Par contre, ultérieurement, il a pris le thème, ce thème, et il l'a explosé. C'est-à-dire qu'il en a fait une œuvre majeure, en faisant toutes ces variations, en prenant ce thème médiocre, en faisant un monument. C'est-à-dire qu'il l'a détruit de plein de façons, il l'a verticalisé, il y a des moments où c'est des accords comme ça, etc. Il l'a traité d'une multitude de façons. Et on pourrait d'ailleurs faire une émission entière sur ces variations diabéliques, en voyant l'évolution de chacune d'entre elles, etc. Et c'est devenu un pensum, quoi. C'est devenu une œuvre qui a écrasé toutes les autres, les 52 autres, qui étaient faciles, un peu ridicules, même très ridicules pour certaines. Et donc Beethoven, bah, c'est le génie de cet homme que, pour lequel j'ai une admiration sans fin, qui savait prendre, vous savez, c'est comme Picasso, c'est-à-dire que ces gens, ils prennent un objet comme ça, quotidien, comme vous savez, il y a des sculptures là où il avait fait une voiture, je ne sais pas, il a pris une voiture, une sorte de deux choses, je ne sais pas quoi, il a fait un, je ne sais pas si vous connaissez cette sculpture, et il en a fait une sculpture intéressante, passionnante, parce que tout ce qui touchait, c'était terrible, Picasso. Ben, Beethoven, c'est la même chose. Dès qu'il prenait quelque chose, il le transformait. Il a fait énormément de sonates. Dans toutes ces sonates, il n'y en a pas une à jeter. Les premières sont absolument splendides. On les joue moins, mais c'est absolument splendide. Jusqu'aux grandes de la fin. Eh bien, c'est quelqu'un... c'est pareil avec les quatuors. Il n'a pas cessé d'inventer, de réinventer et de réinventer. Je veux dire, c'est un compositeur prodigieux. Vraiment, Beethoven, pour moi, c'est... très très grand compositeur. Donc les variations Diabelli, c'est entre autres dans les œuvres, parce que je pourrais parler de la Missa Solemnis, qui pour moi aussi est une œuvre fabuleuse, mais aussi des symphonies, des quatuors, bien sûr, etc., etc. En tous les cas, les variations Diabelli représentent pour moi vraiment une référence pour moi dans l'histoire de la musique, et qui m'ont donné des leçons. Ça m'a donné des leçons de non-répétition, de savoir qu'un matériau, on peut prendre un même matériau, le transformer. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, ça rien, je pense que ça venait pas de ça, mais je l'ai fait dans 3 quatuors. 2, 3, 4, où j'ai pris le même matériau et j'ai fait 3 quatuors différents. Et probablement, c'est inconsciemment venu de là. Peut-être, je ne sais pas. Thank you. le compositeur Marc Monet présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Haydn. Ça aussi, c'est un merveilleux compositeur. Et c'est pour moi probablement le seul compositeur qui m'apporte de la joie. C'est-à-dire que si on a un coup de blues, on a quelque chose un petit peu, je sais pas, une journée un peu maussade, etc., écoutez une symphonie de Haydn, ça suffit pour vous créer des étincelles. C'est un compositeur d'une intelligence, d'une pertinence. Là aussi, c'est un compositeur qu'on joue peu. Par exemple, ses opéras, vous savez qu'il écrit pas mal d'opéras. À part Il Mondo de la Luna, on joue quasiment pas ces opéras. Nous avons monté dans le festival un de ces opéras de marionnettes, le seul qui nous reste, puisqu'il en a écrit trois, on a perdu deux, mais il nous en reste un. On l'a créé, c'est un petit chef-d'œuvre pour marionnettes. C'est magnifique. L'équateur, c'est d'une modernité, la façon dont il écrivait l'équateur. C'est comme des cellules, c'est écrit comme avec des cellules, c'est-à-dire des choses qu'on a réemployées au XXe siècle. Donc, c'est quelqu'un qui avait une facilité, une conscience aussi de la construction, du renouvellement. Il écrivait énormément, hein, mais il était obligé aussi, hein, parce qu'à cause de... Il était le Esterhazy. Il faut dire que ce prince... remercions-le parce que c'était un érudit, c'était un musicien, il jouait d'un instrument et donc il a su stimuler un compositeur comme Haydn. Qui pourrait imaginer ça aujourd'hui? Quel est un prince ou même un industriel, je ne sais pas qui, peu m'importe, pourrait soutenir un compositeur comme ça aujourd'hui. On a quand même perdu une certaine qualité, je pense, dans la vie. Donc, il écrivait pour ce prince aussi des œuvres pour baryton. C'est un instrument magnifique. J'ai donné dans le festival d'ailleurs de Haydn, quand j'ai fait le portrait de Haydn, des œuvres pour baryton, parce que c'est un instrument inusité aujourd'hui. Mais il y a des musiciens qui ont retravaillé sur le baryton. Le baryton est un instrument magnifique. C'est proche du violoncelle de la viole de gambe, plutôt de la viole de gambe. Mais il a plus de cordes et il a des cordes sympathiques qui résonnent derrière le manche. Et Haydn a eu une idée, voilà, moi ça me fascine ces gens-là. C'est-à-dire qu'il joue avec l'archet, et puis de temps en temps, derrière, il fait pincer les cordes sympathiques qui sont derrière, donc on entend ding, ding, ding, ding, ding. Et avec, on a l'impression d'avoir deux instruments. Donc, il a écrit des centaines d'œuvres pour Esterhazy, pour cet instrument, qu'on n'entend jamais quasiment. Et donc, l'équateur, là aussi, on a une richesse. Parlons pas des 100 et quelques symphonies qu'il a écrites. Les opéras, les messes. Il y a des messes fabuleuses de Haydn qu'on entend si peu aussi. Voilà. Toutes ces œuvres-là, moi, j'aimerais les monter parce qu'on a fait des efforts. On a fait des gros efforts dans le cadre du festival parce qu'on a... J'ai réussi à monter quand même, on a fait des quatuors bien sûr, mais on a réussi à monter ses œuvres pour baryton, on a réussi à monter l'opéra pour marionnette, ce qui est quand même des choses très satisfaisantes. Mais j'aimerais faire encore beaucoup pour lui. Et les quatuors à cordes restent pour moi certainement un des summums chez lui. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'était des œuvres... comment dirais-je, expérimental. Il expérimentait dans les quatuors, énormément, peut-être plus que dans les symphonies. C'est une forme, le quatuor, que j'adore et que je vénère de tous, de Beethoven, de Schumann, de tout le monde, parce que c'est une forme souple et qui est toujours d'actualité au XXIe siècle. Toujours d'actualité. C'est pas, d'ailleurs, je dis une bêtise, ce n'est pas une forme. C'est un ensemble instrumental particulier, mais qui est souple. Et écoutez tous les quatuors de Haydn, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie jouissance. Thank you. Thank you.

Vous êtes dans la discothèque du compositeur Marc Monet sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Alors là, on rentre dans le XXe siècle et c'est la continuité absolue de la musique. Je disais une chose hier à quelqu'un ou ce matin, je ne sais plus. Je disais, j'espère qu'on va continuer parce que l'histoire ne s'arrête jamais, sauf si le monde explose. Ce que je ne souhaite pas, mais on ne sait jamais dans ce monde de fous que nous vivons. Donc, Bartok, évidemment, a une particularité. C'est que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur sa musique populaire, son propre pays. Et donc, il y a eu une grande influence dans sa musique. C'est évident. Mais dans les quatuors, les six quatuors, il y a un renouvellement de l'écriture du quatuor prodigieux. On les a donnés dans le festival. On a donné les six quatuors, d'ailleurs, dans le festival. Et j'ai une attache particulière pour le cinquième et le sixième, particulièrement le sixième, où il y a une subtilité d'écriture. Il y a une construction, là aussi, d'une très grande modernité. Et je vois, alors, c'est bien sûr très spéculatif ce que je dis, mais je vois un lien très étroit avec les quatuors de Haydn. Ça peut paraître étrange, mais je le vois. Parce qu'il y a des constructions comme ça, aussi, de cellules. J'ai pas la partition sous les yeux, là, donc je peux pas en parler bien. Je les ai chez moi, je les ai pas là, mais c'est vrai que il y a des constructions qui me fascinent. Et alors, il y en a qui ont vu le nombre d'or, enfin, etc., etc. Moi, je suis un petit peu distant par rapport à ces choses-là, parce qu'on peut vite, dans la musique ou dans beaucoup de choses d'ailleurs, imposer, je dirais, quelque part, un processus autre. je suis pas de ce genre de recherche. Je ne suis pas pour ce genre de recherche. En tous les cas, il y a une construction qui est fascinante chez Bartok. Thank you. Thank you. Thank you.

Berlioz, c'est aussi donc le XXe siècle. Et là, on peut faire une petite comparaison avec Bartók. C'est quelqu'un qui s'intéressait à la musique populaire. Et ce que j'aime dans Berlioz, c'est une grande liberté. C'est quelqu'un qui a pu travailler sur Monteverdi, qui a pu travailler sur la forme d'opéra. C'est un homme de scène. Et n'oublions pas Laborantos, qui était sur les textes de Sanguinetti, qui est là aussi le travail de l'italien, parce que l'Italie nous a généré quand même des grands compositeurs d'opéra, quoi. Il ne faut pas l'oublier. Et Berlioz, c'est un homme de scène. Au contraire de ce que je disais de Stockhausen tout à l'heure, Berlioz, c'est vraiment... Il a écrit je ne sais pas combien d'opéras. Et Arone est une œuvre que j'apprécie particulièrement parce que c'est un jeu entre la musique populaire, la musique peut-être bruitée par moments, et d'une grande souplesse, d'une grande générosité et d'une grande limpidité. Je veux dire, c'est curieux, mais ça me vient à l'esprit de dire que je ne vois qu'un Italien pour écrire une œuvre comme ça. Pourtant, je ne suis pas pour dire qu'il y a des musiques nationales. J'y crois pas trop aujourd'hui, en tous les cas, moins aujourd'hui. Mais là, il y a vraiment de l'esprit de l'Italie. Vraiment. Anfang, in principio, in mio principio. Am Anfang, in my beginning. Ach. In principio, erat! Get out! principio era. Ein Gespenst. Principio nel mio principio. In my beginning. In? Das Wort. Ah. In. Ah. Am Anfang war. In principio era. Car. Das Wort. Nel mio principio. In. In. Am Anfang war. Era. In. In. In. Verbum? Nel mio principio. In principio era. In. In. Ah. Nel mio principio. Das Wort. Nel mio principio. In. L'uomo è generoso. Nel mio principio. In principio era. Ah. Der Sinn. In. O Logos. In principio. Das Wort. Ach. In. Die Kraft. In. En. Die Tat. Am Anfang war. Am Anfang war. Nel mio principio. In principio nel mio principio. In. Et oui, et tout ça, c'est un cycle, je dirais, de la musique. Arrivé à ces pêcheurs de perles, on revient à la musique fonctionnelle. C'est-à-dire ces musiques qui ne sont pas faites pour être écrites, interprétées, mais qui sont interprétées dans la fonction de quelque chose. Et d'un seul coup, on est encore une fois hors norme. On n'est plus dans la norme d'essayer d'avoir une chanson, d'avoir une mélodie. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, des compositeurs qui disent « Ah, la musique sans la mélodie, c'est la mort, enfin, etc. » Moi, je pense qu'ils sont stupides. Je le dis vraiment, je pense qu'ils sont stupides parce qu'ils n'écoutent pas tout ça. Ils n'écoutent pas toutes ces musiques. Ils ne se rendent pas compte que la musique, ce n'est pas sous une seule forme, ce n'est pas sous une seule organisation. La musique occidentale a une forme, c'est vrai, une certaine forme d'organisation. Mais on n'est qu'une petite partie du monde. L'Inde génère des musiques tellement différentes. Mais partout, l'Afrique. Donc on est une petite partie du monde et on ne voit la musique qu'à partir de ce prisme-là. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin de faire entendre des musiques extra-européennes. Parce que ça recadre nos musiques, la façon de les entendre et la tolérance d'écouter des musiques différentes, y compris dans notre monde occidental. Parce que quand on parle de musique contemporaine, les gens voient la musique contemporaine comme une seule entité fermée. Mais pas du tout. La musique contemporaine, elle est d'une variété invraisemblable. Et même s'il y a de l'académisme aujourd'hui, parce qu'il y en a, et il y en a beaucoup, comme à toutes les époques, et je ne cesse de répéter ça dans les interviews, je dis, réfléchissez, par exemple, si vous prenez le 19e siècle, vous citez combien de compositeurs ? 6, 10, c'est tout. Mais il y en a eu des milliers. Mais on parle plus de Cherubini, on parle plus d'Adam, ou très peu. Je veux dire, ce sont des compositeurs qui ont totalement disparu, parce que c'était des compositeurs extrêmement joués. Pensez qu'Adam a 800 représentations à l'Opéra de Paris. 800 représentations. C'était le compositeur. Cherubini, idem. Ces gens-là ont été balayés par des Schumann, par d'autres compositeurs qui n'étaient pas ceux qui étaient vraiment joués, mais qui ont été ceux qui ont vraiment inventé quelque chose, ceux qui ont changé quelque chose. Donc, c'est important d'être toujours conscient de ça, que l'histoire ne se répète pas, que l'histoire est toujours en lutte. Hein. On a eu Ars Nova, on a eu Monteverdi, Artusi, on a eu l'opéra italien, l'opéra français, etc., etc. On peut reconstruire l'histoire. C'est toujours une lutte entre les anciens et les modernes. C'est une histoire qui nous colle à la peau parce que c'est vrai que d'abord, nous sommes tous des mortels et donc à chaque fois, on recommence la même histoire. Et je trouve, enfin moi, j'ai cette lecture de l'histoire comme ça. Je la vois partout. Et regardez le Sacre du Printemps, parce que c'est bon, c'est banal de dire ça. Banal peut-être pour nous d'ailleurs, peut-être pas pour tout le public, mais pour nous. De dire, ben voilà, on a cassé des sièges au Théâtre des Champs-Élysées, ça a été un grand scandale, etc. C'est une œuvre des plus jouées du XXe siècle aujourd'hui. Réfléchissons, écoutons, soyons critiques, parce que je pense que dans la musique du XXIe siècle, il y a beaucoup de médiocrité. C'est tout à fait évident, il faut le dire, il faut l'entendre, il faut savoir entendre l'Académie. C'est pas simple, c'est vrai, mais si on en écoute beaucoup, on entend. On entend ce qui est dans ce que j'appelle les musiques lisses, c'est-à-dire les musiques qui sont agréables, qui sont bien faites, qui sont bien écrites. Le problème n'est pas là, bien entendu, parce qu'on peut avoir du métier et on peut savoir bien organiser les choses. Et généralement, on est plus joué quand on sait faire ça. mais les musiques de la différence, pour moi, qui sont les essentielles, ce sont celles qui sont parfois plus difficiles à capter. Il est évident qu'on joue moins Courtag que d'autres compositeurs. Je cite pour Courtag qui me vient à l'esprit, parce que c'est une musique très ciselée, il y a trois fois rien. Il faut savoir écouter, il faut savoir entendre. Ça, c'est du, on est dans le bijou, quoi, je veux dire. Donc, c'est pas donné. La musique ne se donne pas tout de suite. Elle se donne pas tout de suite. Les gens, récemment j'étais à un concert, il y avait le deuxième concerto de Bartok pour piano, et une dame que je ne connaissais absolument pas, qui était assise à côté de moi, parlait avec son ami, et disait, quand même, cette musique, c'est moche, heureusement qu'on a un Tchaïkovski après. Et c'était pour moi violent, parce que cette dame... Je la respecte, mais elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu, elle n'a rien compris. Elle n'a pas entendu qu'elle avait une œuvre majeure devant elle. Et donc, pourquoi ? Parce qu'elle était avec tous ses a priori. Ses a priori, elle n'a jamais écouté probablement des Pêcheurs de Perles, elle n'a jamais écouté de la musique tibétaine, elle n'a jamais écouté d'autres choses qui mettent en relief qu'il n'y a pas une écoute, qu'il n'y a pas une façon d'entendre. Elle est certaine de ce qu'elle pense. Et moi, je pense que les gens qui abordent le monde comme ça, avec des certitudes, se trompent. On n'est jamais dans la certitude. C'est pour ça que moi, je bouscule les gens, je veux dire, dans les programmations, parce que je ne veux pas leur donner l'a priori du consensus. Il est évident que je vais faire entendre des concertos de Beethoven pour piano, parce que c'est des grandes œuvres, etc. On les entend partout, alors tout le monde accepte ça. Je vais faire entendre, par contre, à côté, 15e, 16e quatuor. Et là, on n'entend pas ça, tout le monde n'entend pas ça de la même façon. Parce qu'on trouve ça difficile. Mais c'est vrai que j'ai plus envie de faire entendre le 15e, 16e quatuor que les concertos de Beethoven pour piano que tout le monde admet. Pourtant, ils sont prodigieux. Et je vais les faire entendre. D'ailleurs, je les ai prévus de les programmer. Donc, je ne suis pas du tout moral. Je ne veux pas être moraliste. Je veux simplement stimuler l'imaginaire. Je crois en l'individu qui est capable... d'imaginer, d'inventer. C'est pas acquis dans le domaine culturel, parce qu'il y a aussi une façon bourgeoise d'écouter la musique. Et quand je dis qu'une façon bourgeoise, c'est pas une critique de la société bourgeoise, c'est que quand je fais cette critique-là, c'est parce qu'on a une idée de convention. C'est qu'on est, et encore une fois, on apporte des certitudes. Et l'artiste, le créateur, il est uniquement là pour défaire ses certitudes. Tout le temps. Et ça surprend. Artaud a surpris, troublé. Céline, n'en parlons pas. en plus avec son caractère, avec ses livres fascistes, ses livres antisémites, pas fascistes, antisémites. Aujourd'hui, on pourrait avoir un Céline qui écrit des livres anti-musulmans, anti-arabes. Je veux dire, ça serait la même chose, quoi. Je veux dire, mais Céline, quand vous lisez Casse-pipe, quand vous lisez, vous êtes surpris, vous dites, attendez, c'est génial, quoi. C'est quelqu'un qui a transformé la langue. Il l'a sûrement pas fait exprès. Je veux dire, mais en plus, ce gars-là, dont j'apprécie énormément l'écriture, a tout fait pour se faire battre. Il a tout fait. C'est terrible. C'est tragique. C'est tragique. Sa vie est tragique. Mais il nous a laissé une œuvre qui nous trouble. Et elle nous trouble encore. Elle nous trouble encore. Parce que comme il a mixé ça aussi avec des antisémitismes, etc., on n'arrive pas à le lire suffisamment avec distance. Et voilà. Mais c'est valable. Artaud, moi je lis très régulièrement Artaud. Suppos et suppliciation, c'est parmi ses derniers écrits, etc. J'ai lu ça beaucoup. Ça me fascine. Parce que on n'a rien d'attendu. On n'a rien d'attendu. D'un seul coup, il invente les mots, il les transforme. Mais ça vous rentrez dedans. D'un seul coup, ça vous prend. Ça vous prend, quoi. Alors évidemment, c'est pas un roman de gare. C'est clair qu'on ne lit pas ça matin, midi et soir, parce que ça pourrait être troublant. Mais moi, je lis ça régulièrement, enfin, avec espace, mais je lis souvent. La musique, c'est pareil, hein, je veux dire. Et ces pêcheurs de perles, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est d'une... D'un seul coup, ça nous fait entendre que le son, il est vital. Il n'est pas organisé, il est vital. Donc, pour ces gens-là, ça les aide, ils sont mariés avec le son pour faire autre chose. Et c'est du corps, il y a du corps là-dedans. C'est vraiment pas, c'est pas une musique seulement spirituelle, c'est clair. Il y a quelque chose qui jette de soi-même d'une façon très forte, quoi, par cette espèce de bruit. Whoa!